Narceo Antino, Ceremonia Salvaje, Ceremonia Sauvage, page 27, Clameur des fruits, craque les rubis du temps. Siffle l'air, des parsa bifide langue, personne ne meurt, sans s'indit les matins. Quelle tristesse des soisseaux furtifs. Quelle tristesse sur la douce balançoire de la terre. Un crépi délice qui sauve ton front bleu, ton corps qui naît. Il est heure de crier. De par les ruines, fouillons dans les tunnels du rêve. Glisse de tes épaules une goutte de sel. Tiède et triste. Amour des ténèbres. Amour des ténèbres, coupe levée. Quel goût pour les palais des oasis dans tes lèvres. Le vent nous submerge d'une esquive et le soleil cache ta peau. Un concert des plumes digitales, tes mamelles et ton ventre. Mettre en harmonie. Les jours nous libèrent. Déjà, au jour, à l'aube, au crépuscule, les fleuves. L'homme passe avec son clameur des fruits et des légendes. Volent les bateaux libres sur les sondes. Seul par tes fenêtres et ta fraîcheur, j'attends à ce que la nuit m'enivre dans les cendres de l'encens. Seul par ton bruit, amour, amour du jour, mes voiliers sont des diamants des mers pour tes cieux.